En 2 ans et demi, Steinbock fit une statue et un enfant. L'enfant était sublime de beauté, la statue fut détestable. La pendule du prince et la statue payèrent les dettes du jeune ménage. Steinbock avait alors contracté l'habitude d'aller dans le monde, aux spectacles, aux Italiens. Il parlait admirablement sur l'art, il se maintenait, aux yeux des gens du monde, grand artiste par la parole, par ses explications critiques. Il y a des gens de génie à Paris qui passent leur vie à se parler et qui se contentent d'une espèce de gloire de salon. Steinbock, en imitant ses charmants eunuques, contractait une aversion croissante de jour en jour pour le travail. Il apercevait toutes les difficultés de l'œuvre en voulant la commencer, et le découragement qui s'ensuivait faisait mollir chez lui la volonté. L'inspiration, cette folie de la génération intellectuelle, s'enfuyait à tire d'aile à l'aspect de cet amant malade. La sculpture est comme l'art dramatique, à la fois le plus difficile et le plus facile de tous les arts. Copiez un modèle et l'œuvre est accomplie, mais y imprimer une âme, faire un type en représentant un homme ou une femme, c'est le péché de Prométhée. On compte ce succès dans les annales de la sculpture, comme on compte les poètes dans l'humanité. Michel-Ange, Michel Colombe, Jean Goujon, Phidias, Praxilète, Polyclète, Puget, Canova, Albert Dürer sont les frères de Milton, de Virgile, de Dante, de Shakespeare, du Tasse, d'Homère et de Molière. Cette œuvre est si grandiose qu'une statue suffit à l'immoralité d'un homme, comme celle de Figaro, de Lovelace, de Manon Lescaut, suffirent à immortaliser Beaumarchais, Richardson et l'abbé Prévost.